Lisa Leblanc. Lightning Hopkins. Neil Young. Tous les mardis soirs à 18h30 sur les ondes de CKRL. La radio qui cultive ses racines avec Gilles Chaumel. Bienvenue à une autre édition de Web Musique. Vous êtes en compagnie de Simon Roy. Première émission de l'année. On va débuter donc en douceur, puis ça va probablement dégénérer en deuxième partie d'émission. Si ça vous intéresse, si vous voulez télécharger les pièces entendues à l'émission, vous avez juste à vous rendre au www.webmusique.ca. Donc, vous allez avoir la playlist et vous allez pouvoir télécharger absolument toutes les pièces entendues à l'émission. On va débuter avec un artiste que j'ai découvert grâce à SoundCloud, c'est Bastien Gaute. Je vous fais entendre sa pièce Nervous Calm. Ça va être suivi de Dino DNA, c'est avec sa pièce What Did I Learn. C'est deux pièces tirées de la compilation Rare Nudes 2015. Rare Nudes, c'est un collectif d'artistes qui donne surtout dans le footwork, dans le joke, donc vraiment intéressant. Une belle gang à suivre. Toujours des trucs vraiment surprenants du côté de Rare Nudes. Donc, ben, c'est ça, on débute Web Musique avec Bastien Gaute. Thank you. Thank you. Donc, deux pièces assez gentilles pour débuter l'émission. Ça nous venait du collectif Rare Nudes. C'était sur la compilation Rare Nudes 2015. On vient tout juste d'entendre Dino DNA avec la pièce What Did I Learn? C'était précédé en ouverture par Bastien Gault avec la pièce Nervous Calm. On va poursuivre l'émission Web Musique avec cette fois-ci publiée sur l'étiquette Nacrical Records. On va entendre Hypnotic Implant avec la pièce 682. C'est un mix de Nook Savok. Ensuite de ça, sur GV Sound, on va entendre Paul Minesweeper avec sa pièce Bitterson. We'll be right back. Vous êtes à l'antenne de CKRL 89,1. Vous écoutez l'émission Web Musique. Cette pièce assez planante, c'était Paul Minesweeper, un artiste de la Russie. C'était sa pièce Bitterson, publiée sur l'étiquette GV Sound. Avant ça, on entendait Hypnotic Implant. C'est un collectif de l'étiquette Nacrical Records, une étiquette qui nous vient de la Pologne. On entendait la pièce 682. C'était un mix par Nock s'évoque. On poursuit Web Music cette fois-ci avec un artiste de la Russie, de la ville de Moscou, c'est Maybe. Je vous fais entendre sa pièce Lost.

de la ville de Chicago, c'était Black Daylight avec sa pièce de Ropes. C'était tiré de son album Lava Music, publié sur l'étiquette Kreshlov Organization. Avant ça, de l'Ukraine, c'était Sorrow Leads to Salvation, c'était la pièce End of the Line. C'était ça sur l'étiquette Electro Sound. On poursuit cette fois-ci sur l'étiquette Deep Lake Records. Je vous fais entendre un artiste qui vient de la ville de Milan en Italie. Il s'agit de Blast Culture. Je vous fais entendre sa pièce Up for a Bit. Ensuite de ça, sur l'étiquette taïwanaise Sociopath Recordings, je vous fais entendre un artiste qui vient de la ville de Lyon en France. C'est Aesop Corp. Je vous fais entendre sa pièce Tamayoru. Vous allez voir, vraiment excellent. Donc, c'est ça pour tout de suite. À Web Music, on écoute Blast Culture. We'll be right back.

Une excellente pièce qui nous venait de la ville de Lyon en France, c'était Aesop Corp avec sa pièce Tamayuru. C'était sur l'étiquette taïwanaise Sociopath Recordings. Avant ça, de la ville de Milan en Italie, c'était Blast Culture avec sa pièce Up for a Bit. Donc ça, c'était sur l'étiquette Deep Lake Records. C'est presque déjà la fin de Web Music, donc je vous rappelle de vous rendre au www.webmusic.ca. Vous allez pouvoir donc consulter la playlist de l'émission. Vous allez avoir accès aux liens pour télécharger absolument toutes les pièces entendues à l'émission. Vous pouvez télécharger les pièces et les albums au complet. La plupart des pièces sont sous licence Creative Commons, donc vous pouvez souvent remixer les pièces à condition donc de les republier sous la même licence d'origine. Donc tout de suite après, ça va être la croche-oreille qui fait son retour avec Ariane Plante et Jean-Pierre Gay, donc une émission qui se consacre entièrement à l'art audio, probablement la seule émission sur l'art audio dans la province de Québec. Donc les anciens voisins d'émission qui retournent, c'est avec grand plaisir. Donc restez à l'antenne de CKRL, ils vont être là tout de suite après Web Music. Nous, on se quitte sur une pièce de Broken Spud, un artiste qui nous vient de la ville de... j'ai oublié. C'est des Pays-Bas, en tout cas. C'est la pièce Cambrian, c'est publié donc sur l'étiquette Shramaka. On se laisse là-dessus, puis je vous donne un rendez-vous à compter de 20h la semaine prochaine, dimanche, pour une autre émission de Web Music. We'll be right back.